vertige. J'ai caché tout ça. Qui sonne mon bon tambi. Je l'ai retrouvé dans ma cave. Bon tambi. Ah, que c'est bon tambi pour Johnny, hein.